Numéro 26. Avez-vous encore des chambres libres? まだ部屋がありますか? Désolé, l'hôtel est complet. 申し訳ございません。満室です。 Nous aimerions une chambre double. ダブルルームをお願いしたいんですが。 Avez-vous une chambre pour ce soir? Konban, tomaremasu ka? Avez-vous quelque chose de moins cher? Hoka ni yasui mono wa arimasu ka? Pouvons-nous voir la chambre? Heya wo mite mo ii desu ka? C'est la chambre numéro 216. お部屋は216号室です。 Voici la clé de la chambre. こちらがお部屋の鍵です。